Chapitre 34. Le non-espace, le grand hall des Nils. Le moment est venu, songea Mark Yonro. Le temps du renouveau. Il se tenait au centre de l'immense plateforme qu'était le grand hall des Nils, ouvert sur les quatre côtés au néant du non-espace. D'étranges lumières multicolores clignotaient au loin, avec rien d'autre pour leur faire écran que la silhouette des vaisseaux qui avaient conduit Markion et les trois maîtres tempêtes jusqu'à cet endroit perdu et désolé. Le grand hall était vide, son immensité nullement encombrée de tables de festin, et les quatre individus s'y trouvaient seuls et sans leurs masques. Markion regarda chacun d'eux, Kassav, Panetta et Lournadi. Ils le détestaient, se détestaient entre eux, et chacun pensait pouvoir faire mieux que les autres. Il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas d'objectif commun chez les Nils, outre ceux de faire du profit, de prendre plaisir à s'approprier les biens d'autrui et à défier le système. Il fallait que cela change. Le moment était venu. J'ai reçu des nouvelles de mon espion qui travaille au bureau du sénateur Nour, annonça Markion. Les Jedi et la République ont pu accéder aux données de vol de l'enregistreur qu'ils ont récupéré quand Lourna a échoué à sa mission. L'intéressé scia légèrement, mais ne dit rien. Ils savent que nous sommes responsables de la catastrophe du Legacy Run, poursuivit-il. Un des nuages de Panetta, de retour d'un pillage, voyageait le long d'un sentier quand il a failli percuter le Run. Ce n'est pas de notre faute, protesta Kassav. Comment pouvait-on savoir? Que ce soit de notre faute ou non ne change rien, rétorqua Markion. Eriadou, en revanche, on sait tous que ça l'était. Cette fois, Kassav préféra ne rien ajouter. Donc, il y a ce qui s'est passé à Edzal, toutes les émergences, l'opération stupide de Kassav à Eriadou, et puis Lournadi qui a carrément confirmé qu'on était impliqué quand elle a essayé en vain de s'emparer de l'enregistreur de vol. Résuma Panetta d'une voix ressemblant à un éboulement de rochers. Il y a nos empreintes partout. Ça va faire mal. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Demanda Lourna. Ils vont nous traquer, devina Pan. La République et les Jedi aussi. On n'est plus une simple bande de pillards locales. On est devenu une menace pour eux. On est à l'origine de ce satané blocus hyperspatial. Ils vont vouloir se servir de nous pour faire un exemple. Écoutez, on a fait du bon boulot, dit Kassav. Tout le monde s'est fait du pognon. C'est pas comme si on était forcé de continuer. On pourrait juste... arrêter. Et tous ces orages, ces nuages et ces foudres de nos tempêtes, ceux qui nous suivent croient en nous. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Demanda Lournadi. Kassav haussa les épaules. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent poursuivre l'aventure des Nils, continuer à dompter la tempête, c'est leur problème. Il n'y a rien qui dit qu'on peut pas prendre notre retraite. Quoi? On doit rester maître tempête jusqu'à la fin de notre vie? Pourquoi on ne pourrait pas profiter des fruits d'une vie de labeur? Panetta renifla de dédain. Tu crois qu'ils vont voir les choses comme ça? Ils vont se dire qu'on décampe, oui? Kassav haussa à nouveau les épaules. Les Nils, c'est une histoire de liberté, non? De faire ce qu'on veut quand on veut. Eh bien, peut-être que j'ai envie de mettre les voiles avant qu'un Jedi sorte son sabre laser et me tranche la tête. N'est-ce pas toi qui avais dit un jour que tu aimerais te battre contre un Jedi? S'étonna Mark Yonro d'un ton léger. Que ça ferait une bonne anecdote à raconter? Kassav ne répondit rien. Le moment est venu, songea Markion. Il frappa Kassav, lui planta son poing en plein milieu de son visage barbare, stupide et fourbe. Les gants de Markion étaient renforcés par des plaques de métal et des compensateurs d'accélération. il aurait pu transpercer un mur en dur acier sans ressentir la moindre douleur. Il entendit le bruit que fit son nez barbare, stupide et fourbe, quand il se déforma sous son poing, et bon sang, ce que ça faisait du bien. Panetta et Lournadi ne bougèrent pas. Ils semblaient sidérés. Ce n'était pas le genre de chose que faisait l'œil. L'œil ne se battait pas, et surtout pas contre les maîtres. Il n'avait pas de tempête pour le soutenir. L'œil recevait un tiers des prises et s'en contentait. Accueillir le changement n'est pas toujours simple, mes amis, songea Marquion. Cassave tituba en arrière, les yeux écarquillés, du sang giclant de son nez, mais il se reprit aussitôt. L'homme n'était pas étranger à la douleur, et Marquion se dit qu'il ne devait pas non plus être étranger au coup de poing surprise. Les yeux de Cassave se plissèrent, et sa main plongea dans son manteau de fourrure où il dissimulait un blaster en violation des règles du grand hall. Marquion le savait depuis des années. Le bras de Marquion fendit l'air et l'une des vibro-étoiles qu'il gardait dans un fourreau au niveau de son poignet fusa en sifflant. Elle trancha la moitié de la main de Cassave ainsi que la crosse de son blaster et des morceaux de métal comme de chair tombèrent au sol. Cassave, c'était à saluer, essaya de continuer de se battre. Du sang coulait toujours de son nez et giclait de ce qui restait de sa main droite, mais il se jeta malgré tout vers l'œil et tenta un coup de poing honorable de sa main gauche. Marquion para, pivota et envoya Cassave au sol. Il s'affala sur la plateforme avec un son creux et spongieux dans une flaque de son propre sang. Gémit Cassave. C'était le premier son qu'il émettait depuis le début du combat. Ce type était un dur, ça ne faisait aucun doute. Marquion posa le talon de sa botte sur la poitrine du maître Tempête. Sans douceur, il pesa de tout son poids comme s'il voulait faire passer l'homme au travers du pont pour qu'il soit aspiré dans le vide de l'espace. « Je suis l'œil des Nils comme mon père l'était avant moi. » Nous avons fait de cette organisation ce qu'elle est aujourd'hui, et je ne te regarderai pas la détruire par ton égoïsme, ta peur et ta faiblesse. Tu as fait une erreur, Aeriadou, Cassave, et tu es revenu vers nous la queue entre les pattes. N'oublie pas comment ça fonctionne, chef. Les Nils doivent rester forts, et l'une des façons d'y parvenir... Il se pencha en avant, les yeux plissés et les lèvres retroussées. « C'est de se débarrasser des faibles. » Marquion appuya plus fort avec sa botte. « J'ai un plan pour arranger ça, » poursuivit-il. « Pour tout arranger. Tu veux l'entendre ?» Marquion Ro appliqua une pression supplémentaire sur sa poitrine et l'homme poussa un grognement. Il hocha la tête. L'œil retira son pied et regarda Cassave se relever. « Je comprends que vous soyez tous inquiets. La situation est grave et elle ne va pas tarder à empirer. Mais écoutez ce que j'ai à dire. » Les maîtres tempêtes le fixèrent, méfiants mais curieux. « Ça va résoudre tous nos problèmes, » ajouta-t-il. « Nous débarrasser de la République et même tuer quelques Jedi au passage. » Et on pourra reprendre nos affaires comme avant. Plus d'émergence, juste les sentiers et les pillages. On pourra recommencer à recruter de nouvelles foudres et continuer à se payer du bon temps. La méfiance baissa d'un cran et la curiosité grimpa de manière proportionnelle, même chez Cassave. Marquion savait que ce serait le cas. Aucun d'eux n'avait envie de partir de son côté sans les sentiers. Ils s'étaient tous fait un beau paquet de crédits grâce au Nil, mais l'avaient dépensé aussi vite qu'ils l'avaient amassé dans des vaisseaux de luxe, des vêtements chics et des banquets prestigieux. Leur cupidité se chargerait de décider pour eux. « Écoutez, on est plus malin, plus rapide, et on a les sentiers, » continua-t-il. « On a 10 coups d'avance sur la République. Je vous le dis. » On peut arranger tout ça. Les Nils sont toute ma vie. Je ne vais pas tout laisser tomber sans me battre. On t'écoute, dit Panetta. D'accord. On peut récupérer l'enregistreur de données de vol. Sans lui, la République ne sera pas capable de nous retrouver. On peut faire profil bas un petit moment, nous réorganiser, même déménager dans la bordure médiane. Avec les sentiers, nous pouvons travailler n'importe où dans la galaxie. Il désigna Kassav et Lournadi de ses deux mains. Vous deux, vous avez fait de grosses erreurs, et vos équipes vous ont vu faire. Ça commence à jaser. Vous êtes en situation de faiblesse. Vos orages se disent peut-être que c'est le bon moment pour un putsch. Vous pouvez encore reprendre la situation en main. Faites-le bien, et vous serez les héros de vos tempêtes. Il leur sourit, un grand sourire plein d'encouragement. Ça n'eut pas l'air de les rassurer. Kassav, j'ai appris par mes sources au sein de la République que l'enregistreur de données de vol avait été détérioré quand le Legacy Run a explosé. Ils ont réussi à en tirer quelques données, mais pas la totalité. Pas assez pour nous mettre la main dessus. Ils vont l'envoyer à une usine spécialisée pour qu'ils en extraient le reste. Tu peux intercepter le transport et le détruire. Lournadi, rends-toi sur Elfrona pour aider ton équipe à terminer leur mission d'enlèvement. On pourrait avoir besoin de fonds, et comme cette opération est déjà en cours, autant que ça rapporte un max de crédit. Ça montrera à vos équipes que vous vous souciez de leurs besoins. C'est le moment de montrer notre unité, de se serrer les coudes. Je vous donnerai à tous les deux les sentiers dont vous aurez besoin. Lournadi hocha la tête, puis après un instant, Kassav l'imita. « As-tu besoin que je fasse quelque chose ?» demanda Panetta. Voilà qui n'était pas habituel. Un maître tempête qui demandait à l'œil ce qu'il attendait de lui, c'était totalement inédit. La dynamique avait changé, ils pouvaient tous le sentir. Le moment de la fuite était passé et loin derrière eux. Ils avaient reconnu que s'ils voulaient rester avec les Nihils et en récolter tous les bénéfices, ils auraient besoin de l'œil pour les sortir de la crise dans laquelle ils s'étaient fourrés eux-mêmes. « Non, Pan, » répondit Markion. « Rien pour le moment. » « Est-ce qu'on ne devrait pas voter ?» demanda Lourna. « Absolument, » affirma Markion Rho. Le vote fut unanime. « Allez-y, » dit l'œil. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez sauver les Nihils. » Les maîtres tempêtes partirent en direction du sas de sortie. Markion les laissa s'éloigner puis lança. « Kassav !» Le wiki se retourna. Markion indiqua le sol. « N'oublie pas ta main !»